Bon, du coup, moi, je voulais faire une, enfin, on voulait faire une rapide introduction sur l'AGI, qui a pris plusieurs formes depuis des années, mais qui du coup garde quand même certaines pratiques. Tout d'abord, c'est genre créer un espace d'assemblée afin que les différents orgas, individus, puissent donner leur avis sur l'organisation et la stratégie à suivre. Du coup, c'est l'idée de créer un espace au-delà. On peut coexister au-delà des syndicats, des partis, des orgas, des branches professionnelles, des statuts sociaux, étudiants, chômeurs, travailleurs, etc., qui sont en fait des séparations qui sont souvent poussées par le pouvoir pour qui cassent en fait l'organisation générale, quoi. Bah, à partir de ça, l'AGI se donne comme objectif de mettre en place des actions concrètes pour les luttes, du blocage, des grèves, des occupations, etc. Et veut se donner les moyens de les réaliser dans l'organisation. Le troisième point, c'est effectuer un lien entre les différentes luttes sur les questions du travail. Et pour nous, si la réforme touche la sélection à la fac, le chômage, le code du travail, aujourd'hui, c'est pas du tout délié, c'est en fait genre même assez lié. Et du coup, pour nous, le minimum, c'est de se donner les moyens de s'informer en même temps sur les différentes luttes locales à Rennes et sur les réformes en cours qui ont lieu sous Macron.